La France n'a aucune intention de se désengager dans le domaine du développement. Elle n'a non plus aucune intention de modifier le caractère privilégié de ses relations avec un certain nombre de pays africains. Au nom d'une tradition et d'une histoire commune, au nom du sang versé ensemble, pour toutes ces raisons, depuis le général de Gaulle, il y a la conscience d'une relation privilégiée qui n'est pas de la même nature que la relation que nous entretenons avec les autres pays du monde. Ce qui fait que il y a en France ce ministère de la coopération, je peux vous le dire ici à Cotonou, il y aura toujours en France, en tous les cas tant que j'assumerai une responsabilité, un ministère de la coopération indépendant, ayant ses moyens et son identité. Un an plus tard, jour pour jour, inaugurant le 19e sommet franco-africain à Ouagadougou, le président burkinabé, Blaise Compaoré, semble, à sa façon, poursuivre le dialogue.